Unité 2. Activité 5. Bonjour. Vous participez à la Zinoke Parade. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis étudiant. Je m'appelle Abdel. Je viens du Maroc, mais j'habite à Bruxelles. J'adore la Zinoke. Et vous, madame? Moi, je m'appelle Diane. J'ai 50 ans. Je viens du Québec. Je suis enseignante à Bruxelles. La Zinoke, c'est vraiment super. Et vous, monsieur? Moi, je m'appelle Didier. J'habite à Bruxelles et je viens de Bruxelles. J'adore la Zinoke, les costumes, la musique, la fête, quoi.